Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 94 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que c'est chaleureux chez vous, parce qu'ici il fait un peu froid dans le studio. Ça va se réchauffer. Ça ouais, va se réchauffer. On se les gèle un peu évidemment, mais bon, parce qu'on a des petits problèmes de chauffage, mais c'est pas grave, ça ira un peu mieux. Je sens qu'Onissa va nous réchauffer ce soir, ou peut-être Stéphane, je ne sais pas, mais en tout cas, on verra bien. Alors j'espère que vous, chers auditeurs, vous allez bien. On va faire un tour de table et on va commencer par notre guest star, évidemment, Stéphane, qui nous rejoint tous les mois. Et oui, bonsoir. Très très content de vous retrouver, d'ailleurs. Et oui, mais carrément, pour le Défi Mix 80. Et moi, je m'inquiète pas trop pour la température parce que habituellement on a trop chaud. Bon, oui. Là, c'est le temps de démarrer, mais vous inquiétez pas, je pense qu'avec l'ambiance, ça va se réchauffer. Mais je pense bien. Puis on compte sur... la seule femme ici présente. Oui, absolument. Alors, elle est là. Tu peux nous la présenter, tiens, justement, puisque toi, tu la connais depuis quelques temps. Depuis très peu. Nous, on se croise quand même pas souvent. Hein. Ouais, je crois même que tu l'as un peu snobé sur Facebook, il paraît. C'est pas moi, c'est notre forban national. Pardon. Et pourtant, je vais présenter toutes mes confuses, mais bon. Bonsoir, Onissa, alors. Onissa, il paraît. Il paraît pas. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez aussi bien que nous. Ouais, c'est vrai. On a dit qu'on commence à réchauffer doucement. Doucement. Tu as vu comment tu parles? Je parle normalement, quoi. Elle est proche du micro, mais pas que du micro. Clair. Elle me fait penser à... comment elle s'appelait le... Tu sais, il y avait une animatrice sur la radio, là, sur les radios pirates à l'époque, elle avait la même voix. Sur les radios pirates? Ouais. Bah, pas pirate, mais... ou à des heures tardives de la nuit. Super Nana. Super Nana, ouais. Super Nana, c'est ça. Mais oui, c'était sur Skyrock. Vous trouvez pas qu'elle a un petit air de Super Nana au niveau de la voix? Ah, parce que physiquement, j'allais dire, t'abuses un peu quand même. Ouais, non. Quoi qu'il y a des points communs quand même, si. Les sourcils, peut-être. La coupe? Ah, la coupe aussi, peut-être, ouais. Je sais pas de qui vous parlez. De Super Nana, évidemment. Tant que c'est une Super Nana, voilà, ça va bien. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, Onissa, évidemment, ce soir, on te retrouve pour ta chronique, donc à 8h30. Ah oui, absolument. Moi, j'aime bien parler des choses de la région. Et tu vas nous parler de... Le grand rendez-vous, quand même... Le mardi gras. Non, on reste dans le gras. Le bœuf gras. Le bœuf gras, tu veux nous faire tout ce qui est gras en fait. Ah ouais. Ah ok. Bah là c'est gras. Ok, ça marche. Non, mais moi aussi j'aime bien rester dans le gras. Et ben, en parlant de gras justement, Philippe est avec nous. Écoute, je suis content que le tour de table se fasse dans ce sens hein, finalement. Ouais. Ah, Sherlock, mes amitiés du soir. C'est vrai. Bonsoir Philippe Cat. Oui. Alors 21h30, petite chronique sympa. Oui. Alors c'est une redite mais sympa. Oui, Iggy Pop. Ouais, bien. Voilà. Donc tu vas peut-être nous parler aussi de David Bowie alors. Très certainement. Ah bah ouais. On peut pas faire autrement. Ah bah ouais, évidemment. Bah écoute, on a hâte. Donc ce sera 21h30. Voilà. Donc Iggy Pop. Oui. Et j'en profite d'être à l'antenne pour présenter toutes mes excuses à Onissa que j'avais. Mais je l'ai mentionné. Mais je l'ai pu snobé parce que j'ai rattrapé le coup. Hein, ouais. Mais je pense qu'elle va m'en vouloir toute la soirée quand même. Quand même. C'est pas grave. Alors, c'est bonne guerre. C'est qu'une frustration, en parlant de frustration, nous sommes aussi avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va bien. Ça allait bien jusque maintenant. Je plaisante évidemment. Il Sherlock. Il résiste quand même Sherlock, parce que... Ah, ouais, ouais, ouais, mais c'est un bon quand même. Hein. Il a été prolongé, je pense à ça, parce qu'il était arrivé à la fin de son CDD. C'est ça, on l'a renouvelé. Mais je suis content qu'on l'ait prolongé. Ouais, moi aussi. Voilà, la formation technique n'est pas finie, vraiment. C'est clair. Ouais, mais heureusement qu'on l'a, je te le dis. Parce qu'elle se renoue dans le bras. Alors, Sherlock, 21h, évidemment. Oui, alors le ciné rétro 80, ouais. Où je vais vous parler d'un film de 1980. Ouais. Non, sérieux, il a retenu la date. Je me suis dit, il faut que je le retienne parce que toutes les semaines, il m'emmerde avec ça. Ouais. Donc là, je me suis dit, je vais retenir. Ah, bon. Donc voilà, de 1980, et j'espère que vous allez le trouver. Mm-hmm. Parce que j'ai franchement redécouvert le film. Parce que je l'avais déjà vu, mais J'ai redécouvert le film, c'est un très très beau film. Oh. D'accord. Ah ben ça promet. Ça promet. Donc ça c'est de slip à... ou non c'est... De quoi? Non, rien. Il y a du slip. De slip non. Non non non, du tout. Bon. Tant mieux. Un commentaire très pertinent de notre ami. Mais je te dis, si à chaque fois qu'il fait donc une intervention pertinente, il doit payer un coup. Et je vais te dire. J'ai la fin de la soirée. Et évidemment, bien sûr, à 22h. Oui, pour les sorties ciné. Ouais. Alors, je vais essayer de vous donner envie d'aller au cinéma cette semaine. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je t'ai donné envie apparemment d'aller voir un film. Oui, oui, bah, je vous en parlerai si vous voulez. Hein. Oui, volontiers. Split. Oui. Le dernier de Night Shyamalan, c'est dur à dire. Night Shyamalan. Night Shyamalan, c'est ça. D'accord. Enfin bon, bref, le dernier qui est le mec qui a fait le sixième sens. C'est quoi. Ça. Bah, je vous en toucherai un mot évidemment. Bonsoir Harry, quand même, on t'entend parler. Tu t'es pas présenté. Ouais, c'est vrai, bonsoir. Ça. Bonsoir. Bonsoir. Ça va super, Rodi, ça. Ouais, super. Ouais. Excusez-nous. Hein. Oui. Parce qu'on partage le même micro, alors vous comprenez, on est un donc peu. Donc c'est que le micro. Ça m'émoustille. Ah, je m'en doute. Ouais, voilà. On m'a tendu la perche en même temps. Bon, bah en parlant de perche, c'est fâche. Ouais. Ouais. Hey, il en perd son latin, regarde. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Ah ouais, c'est ce qu'il se dit. Comme tu disais, qu'est-ce que ça passe vite à moi. Tu m'étonnes. Alors rappelle-nous un peu le principe du défi Mix 80. Le principe du défi Mix, c'est bien, c'est je suis venu donc avec des titres forcément années 80. Il y a alors, je sais pas parce que maintenant il y en a quand même qu'on a joué depuis quelques mois. Alors, on va dire qu'il y en a au moins plus de 500, tous styles confondus. Vous allez en tirer au sort 6, et puis le but pour moi ça va être de faire une session d'une quinzaine de minutes avec tout ça, et sachant que comme d'habitude, c'est comme je l'ai dit tout style confondu, donc on va tirer au sort la première session. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va commencer sur des chapeaux de roue. Allez, balance le sac à mix. Alors, le sac Stéphane. À mix, je vais peut-être enlever ça. Voilà. Ouais, enlève ton cachet. Voilà. Oui, parce qu'on le paye, hein, Stéphane. Ah oui. Mais oui, évidemment. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une fois par mois. C'est une question de motivation, en fait. Ouais. Bah, il a de la chance. En houblon. Je suis rémunéré en houblon, c'est ça. Ah, voilà. Ah, moi, j'aime bien le jouer de houblon. Alors, vas-y, Flipkat. Fais-toi plaisir, tire deux titres. Tu tires deux titres. Et puis Sherlock aussi également. Allez, ouais, okay. Parce que c'est vrai que toi, ça fait longtemps que tu nous as pas tiré au sort. C'est vrai que j'ai pas tiré depuis un bout de temps. Alors je rappelle qu'il faut donner le titre et bien sûr le chantonner. Allez, Onis, c'est à toi de jouer. Ouais, enfin, le premier, je vais y avoir la misère, je connais pas. Alors c'est Kelly Minogue et Jason Donovan. Oh. Especially for you. Ah bah oui. Il avait passé Sherlock il y a deux ou trois semaines. C'est vrai, ouais, c'est ça. Hein ouais. Je sais plus. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Alors vas-y, tu peux le chantonner. Taisez-vous. Je le connais pas du tout. Bon, allez, Sherlock, fais du plaisir. C'est... Especially for you. Ouais, c'est super mou. Vous vous rappelez? Bah, c'était la semaine dernière d'ailleurs. Mais je crois que c'était la semaine dernière. Non, c'était. Ah, mais c'était le mois dernier. Quand j'étais. Oui, Eric. On s'est même posé la question si le morceau n'était pas... Oui, exactement. Voilà, bah, c'était le mois dernier, ah, non, alors. Bah, c'est... Ça passe vite, hein, ouais, c'est vrai. Non, ouais. J'étais malade, moi. Allez, j'ai le droit à un joker. Oui, d'accord, c'est vrai. Ah c'est oui, c'est vrai que t'étais peut-être malade. Oui, non, j'étais la gastro, rappelez-vous. J'étais sûr. Non, ah oui, j'avais du fond de la gastro, ouais. J'avais une jambe de bois. T'avais une jambe de bois et la gastro. Ouais, voilà. Non, ça, c'était Sherlock il y a une paire de semaines. On a notre quota de cotorep, évidemment. Ouais, voilà. Il faut attirer tout le monde. C'est vrai, on va t'insérer, t'inquiète. Ben, disons, super nana. Alors, et après, on deuxième a titre. Balavoine, l'Azizo. Ah, bah alors tu peux le chanter, ça. Oui. Vas-y. Attends. Hein. Je sais plus. Non, mais pas tout. On t'a pas demandé toute la chanson, on t'a demandé juste le refrain, hein, limite. Attends, la Ziza. Oui. La Ziza. Je te veux si tu veux de moi. Onissa. Je m'en doutais de celle-là. J'ai promis que j'avais un. Danse bleu. Avec moi. Ouais. La Ziza. Non, la Ziza. C'est une belle chanson. Bah oui, c'est une belle chanson. Ouais, bien sûr. Puis le 4, toi, de ton côté? Alors, de mon côté, ben, ça promet. Hein. Alors, il y a Visage avec. Fade to Grey. Fade to Grey. Ouais, bah ouais. Qui a chanté. Je l'ai entendu cette semaine. C'est mon ami. Oui, Fade to Grey. Fade to Grey. Devenir gris. Devenir gris. Bah ouais, c'est ça. C'est ouais, ça. Le fader, c'est ça. C'est et d'ailleurs, il y a eu une version, c'était Devenir Kennedy. Après. Ah ouais. Dans les années 90. Ouais, c'est ça. Devenir Kennedy. J'ai jamais compris pourquoi, mais. Mais il est mort. Non, peut-être, mais bon. Ouais, il paraît. Et ensuite, alors là encore moins, Fat Larry's Band avec Act Like You Know. Ah bah oui, si, quand même. Funk. Ah oui. Act Like You Know. D'accord, c'est comme ça. Oh, mais j'adore. Avec son petit doigt. Il faut pas dire à nos auditeurs, ils sont en train de manquer quelque chose, parce que c'est vrai que à chaque fois quand tu chantonnes, tu joins le geste. La parole. La petite gestuelle, c'est pas mal. Oui, j'adore. Bah ouais. Attends. Allez. Alors moi c'est Midnight Owls avec Beds Are Burning, le Teal Remix. Ah, attention. C'est important de le préciser. Ah bon. Et alors ça fait quoi? Bah le Teal Remix, je sais pas, je vais faire une sorte de remix, ça fait Underestimated, the Beds Are Burning. Le fameux remix japonais. C'est ça. Oh et ensuite, Magazine 60 avec Rendez-vous sur la Costa del Sol. Un gars du coin, quand même. Ouais. Un gars du coin, d'ailleurs, de M. Oui, exact, ouais. Ouais, qui est présentateur du RC Lens. Regia Cortay. Ouais. Ah oui, on en avait parlé. Ouais, absolument. Excellent, bah tu vas avoir du boulot, hein. Ouais, ça va être sympathique. Mais oui, ça va être sympa. À part avec les Specially For You, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais il est payé pour ça, il faut le dire. On va le booster un peu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, démerdons Zizi, je mon gars. Et voilà. Bon, bon. Eh ben, on va continuer en musique, évidemment. Oui. Alors avec deux choses complètement différentes desquelles on, ouais, sur comme, lesquelles on comme, est parti. Comme tu fais toujours. Hein, c'est ça. Ça. Avec Phil Collins et Two Hearts. Ouais. Et ensuite on reviendra avec les Rita Mitsuko et Andy. Oh yeah, j'adore. Andy. Ben, c'est parti alors. Allez. Bon. She'd always be

Le centre Marius Taquet propose le 24e reflet mondial de la photographie du 19 mars au 2 avril 2017. Moucron accueille à cette occasion plus de 2500 clichés issus du monde entier. Toutes ces photographies seront soumises à un jury qui sélectionnera les meilleures pour constituer une exposition présentée au public. 600 photographes dont les membres du Photoclub Artec participent à cet événement exceptionnel. L'expo convie la photographe belge Carole Deschuimer, photographe de la faune africaine, en invité d'honneur. Renseignements auprès du centre culturel Marius Taquet par téléphone au 056 860 160. 056 860 160. Vernissage le 18 mars 2017 à 16h, auditorium André de Meyer au Staquet. Eh ben, Vlaki est dit, un bon petit rendez-vous, assez sympa quand même, puisqu'on connaît l'un des organisateurs, hein, qui était dit, et qui fait partie donc de l'organisation. Donc, ben, on vous rappelle, hein, que c'est au centre Marius Taquet, du 19 mars donc au 2 avril 2017. Et si vous souhaitez donc assister au vernissage, donc le 18 mars à partir de 16h, ben, c'est au centre Marius Taquet. Vous êtes cordialement invité. Alors, on m'a même dit qu'il y avait des petites collations. Il y avait des petits fours, apparemment. Des petits fours, voilà. Vous aurez des petits fours, hein. Ah, y a des mais petits fours. C'est, par prudence, c'est quand même mieux d'arriver vers 15h. C'est ça. Ouais. Même si ça commence. Ouais, parce que c'est vite plein. Et donc, apparemment, c'est salle Jacques Brel au niveau du vernissage. Donc, voilà, c'est pour votre information. Si vous voulez plus d'informations, vous allez directement, à mon avis, sur le site de la ville ou sur le site du centre Marius Taquet. Vous aurez plus d'informations. Donc, c'est Reflet mondial de la photographie, année 2017. Voilà, donc ça, c'est une Entrée sorties. Gratuite. En plus, c'est sympa, quoi. Ouais, bah, complètement. C'est un beau moment et c'est. Et on reconnaît la rapiole alors ici. Ouais. Ouais, en plus, c'est une entrée gratuite. Ben ouais, non, voilà. Ça peut intéresser. Et c'est surtout qu'il y a à boire et à manger. Surtout. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je bosse, alors tu parles. Ah, bah oui, c'est vrai. C'est mais vrai. Bon, je ne veux pas garder ça pour moi. Au moins, non, donc si vous voulez voir Onissa, n'hésitez pas donc à aller la voir à son boulot au centre de Boucron. Oui, juste au bord, on vend de tout, nous. Et l'accueil est top. Non. N'est-ce pas, Harry? C'est vrai. Et puis alors, il y a des produits. Enfin, bref. Oui. Je vous ferai des vidéos. Sherlock est déjà venu, donc il connaît aussi le magasin, n'est-ce pas? Ouais, absolument. T'as alors, repéré les rayons, alors? Moi, je connais tous par cœur. Et alors, est-ce qu'elle sait argumenter? Est-ce qu'elle sait vendre ses produits? Ah, je te l'ai des mots et tout. Ouais. Non, mais il y a un moment, je sais pas si des sortes de saucisses en plastique ouais. Là, qui vibrent. Je sais pas ce que c'est. Elle argumente vachement bien. Et elle s'allume. Il y a même des sucettes. Des sucettes assez comiques. Mais c'est pas des choupa choups en fait. Hein, ouais. C'est des grosses choupa choups. Mais à mon avis, c'est pas fait pour mettre dans la bouche, si. Bah, tu peux les mettre ailleurs, mais normalement, c'est une sucette pour la bouche. Hein. Ah bon, d'accord. Excuse-moi, mais vu la forme et vu la taille. Bah, écoute, la vaseline, c'est pas fait pour les chiens. Hein. Pour une sucette. Oui. Ah, ça doit être bon. Ça doit être super. Bon, bon. Bon ça, allez, ça soit on va arrêter de conneries. On va chauffer l'atmosphérique, hein, on va pas te chauffer déjà. Oui, c'est vrai. Bon, allez, ce qu'on va la faire. La température, elle monte. C'est ça, t'as vu mon mercure? J'allais dire, il n'y a pas que ça qui monte. Non, mais je ne suis pas gérontophile non plus. On va laisser la place à notre... Je ne suis pas gérontophile non plus. Je ne sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est, non? Non. Bah, cougar. Bon, plus d'infos sur la page de 80. Et on dit merci qui? Après 22h15. Hein. Fais-nous plaisir, Stéphane, remonte un peu le niveau. On va essayer de remonter au moins le niveau. Cours, ouais. Avec un titre spécialement pour toi. Ah, oh, especially for you. Yeah. Wow, wow. Ah ouais, alors c'est la première session, ça va aller? On va se débrouiller comme d'hab. Hein. Ouais. Bon, on va démarrer comme ça, tranquillement, sur un petit mot d'amour. Après. Là, c'est Valentin, c'était 14. Je sais pas ce qu'il y a. Après. C'est pas la elle a pas mentionné, c'est Valentin. On est plutôt Valentin aujourd'hui, non, ce soir? Harry, oui. Je le sentais bien avoir. Donc, contre moi. On fera un point sur tout ça. I wanna tell you I was feeling that way too. Thank you.

franchement. Ouais, bah la fin était mieux que le reste. Super session. Super session. C'est vrai que la fin était très bien, surtout quand tu fais le. C'était le meilleur. Ouais, parce que j'avoue, je suis parti un peu tranquille. Mais en même temps, votre tirage au sort aussi. Non, et le Laziza, quand tu lui mets. Ouais. Ah ouais, ouais. Excellent. Ouais, ouais, franchement, nickel. Belle session. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, moi j'ai bien aimé. Oh, ben écoute, j'en reviens pour. Ouais. Non, mais je demande. Ça fait saigner des tympans. Je demande. Ouais, je joue moins bien maintenant. Et par contre, toi, quand tu parles, ça fait Castelli. Castelli. Oh, ben bah, j'en reviens pas. Non, scotché. Ah, tiens, j'ai une histoire. À propos, vous avez des nouvelles de Nikon? Comment il s'appelle déjà? Olympus. Olympus. Non, Konica. Pratica. Polaroid. Lumix. Ah, Canon. Oui, c'est ça. Canon. Vous avez des nouvelles de Canon? C'est vrai qu'on l'a oublié, ce malheureux qui n'est pas avec nous ce soir. Mais il sera là normalement, je crois, la semaine prochaine. Pour des raisons professionnelles, il n'est pas avec nous ce soir. Donc pas d'inquiétude, il sera là la semaine prochaine. Mmh. Comme je le disais la semaine dernière, on ne l'a pas viré, malheureusement. Hein, voilà. Non, ce n'est malgré son nom, juste une ce n'est pas un appareil jetable. C'est ça. Elle est belle. Attention. Elle est belle. Non, c'est juste une mise à pied, mais bon, il va vite réintégrer l'émission. Bah oui. Hein? Quand il arrêtera ses conneries, il reviendra. Voilà. Alors, si tu nous entends, Canon, Beko, et puis tu nous fais signe quand t'as envie de revenir, quoi. Hein. Je crois qu'il bosse ce soir. Oui, donc, oui, tout à fait. Je pense pas qu'il nous écoute, mais s'il nous écoute, qu'il n'hésite pas à nous envoyer un message. Ah ouais, bien sûr. Tout comme Valérie, tiens, d'ailleurs, on a reçu un message, j'ai vu sur Facebook de Valérie. Oui, alors attends, je vais essayer de le retrouver. Ouais. Ouais, bah elle nous fait un petit coucou. Ouais, voilà, mais elle a déjà fait un petit coucou. Hi, elle écoute. Iggy ce soir, yes, bon live à vous. Ouais, voilà. Et puis surtout pour la raclette, oublie pas le fromage, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, il faut que tu nous parles un peu de cette histoire de raclette, Flipkat, j'ai pas bien compris. Oui, là, sur Facebook. Oui, bah non, c'est parce que c'est quoi une raclette sans fromage, quoi. Ouais, voilà quoi. Alors, non, j'ai pas compris. Non, mais ça, c'est la fin, Flipkat. Non, mais il faut aller voir sur ma page, c'est tout. C'est comme des cornichons, quoi. Voilà, c'est comme. Alors, elle est tout aussi appétissante que la raclette, c'est Onissa. Oui. Et on parle pas de l'odeur, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Merci, c'est sympa. Onissa qui va nous parler donc du bœuf gras. Ah oui, quand même. Alors, ouais, c'est dans le grand, chapeau. Bah, ouais. Bah non, je connais pas le bœuf gras. Vous connaissez pas le bœuf gras? Bah non, pas du tout. Donc en fait, c'est un super rendez-vous, une fois par an. Donc c'est la 35e édition quand même cette année. Quoi, 35e? Parce qu'il n'y a qu'une seule édition dans une seule ville? En fait, il n'y a que par ici. C'est vraiment... c'est un drôle de nom... qui s'est mis avec les restaurateurs. Ouais. Donc, une fois par an, on a un rendez-vous. Au départ, ça a été créé en 83. Ouais. Il y avait 250 ou 350 convives. Ici, on table sur 2500 personnes. Ah ouais? Ah ouais, quand même. Et c'est en faveur de l'enfance défavorisée. Donc, ils ont quand même, à ce jour, quand même distribué plus de 105 000 euros à une vingtaine d'associations, quand même, pour les enfants. Ah ouais. Et en fait, c'est une super organisation. Cette année, le prix, c'est 40 euros, mais vous avez l'apéro, entrée, plat, dessert, et pain, après... sauce. Ah non, ça, c'est l'apéro repas. Ouais, et après, une soirée dansante, ça se termine vers 2h du matin, mais il y a toujours une super ambiance. Et alors, c'est quoi le principe du bœuf gras, alors? En fait, le bœuf gras, tu manges, c'est ripaille. Ouais, d'accord. C'est comme le mardi gras. Pourquoi ça s'appelle bœuf gras? Parce que tu manges du bœuf, sûrement. Oui, voilà, c'est avec les restaurateurs. Le mardi gras, tu manges un mardi, et le voilà gras, tu manges du bœuf. Voilà. En fait, au départ, oui, ça a été plus axé sur la viande, maintenant, tu as différents... C'est tout ce que tu as à nous dire sur le bœuf gras. Mais tu n'y es même pas allé, toi, tu y vas d'abord. Est-ce que tu y vas, toi, bœuf gras? Le bœuf gras, déjà, le nom, il ne me donne pas envie. Hein. Mais tu rigoles, c'est une institution sur Moucron, enfin. Mais ça se passe où exactement sur Moucron? Sur Moucron, ça se passe... allez, où est-ce qu'on fait l'apéro, là? Au Centre Expo, oui. Allez, Bah non, mais il faut y aller, c'est super bien. Et en plus, c'est pour une bonne œuvre, alors quand même. Et alors, ils arrivent à servir 2000 personnes en même temps? 2500 personnes. Bah en fait, c'est super bien organisé, les tables sont dressées, tout est prêt. Et après, c'est un système de buffet, tu ne m'écoutes pas. Ah, il y a du bœuf quand même. Il y a du bœuf, il y a toutes sortes. Du donc je te dirai cette année ce qu'il y a comme particularité et comme comme stand, mais ah oui, le bœuf quand même est important. Ah, je sais pas qu'il y avait autant de monde que ça quand même. Si, il tape sur 2500 personnes et c'est déjà bien plein et on a les panneaux publicitaires pendant un mois à l'avance au moins un minimum. Hein. Bon, je sais pas. Ah si, c'est fort connu, c'est vraiment la réunion de tout le gratin de Moucron. D'accord. Et il y a du gratin. Je vais te dire, mais je vais pas le dire, mais bon. Non, mais les garçons, vous êtes indisciplinés quand même. Non, mais... Excusez-moi, j'ai parlé de buffalade, je voulais dire l'alsacienne en fait. Hein. Oui, oui, on avait compris. Hein. On avait compris. Bon, ouais, déjà, je suis la seule qui parle des soirées du coin. Mm-hmm. Quand même. C'est pas vrai. Ouais. Et auquel je participe d'ailleurs. Non, mais t'as pas remarqué que à chaque fois que tu fais une chronique, ça finit par, toujours par gras. Eh ben non, c'est pas vrai. Le gras, et alors. Le 18, je vais à la soirée de Jean-Marie à la Blomerie. Ah, c'est raconte, I, alors. Pas gras. D'accord. Ah, voilà. Et là, on peut pas dire en gros, c'est en gras, quoi. C'est, c'est en gros gras. Et c'est en gras. Et à gros gras, les d'ailleurs. Alors, parlez-nous-en justement de cette soirée, alors à la Blomerie, c'est ça, hein. Oui, j'y serai aussi. Donc alors, c'est quand? Le 18 mars, ça se passe. Le 18 mars à la Blomerie. D'accord. Les préventes, n'est-ce pas? N'y oubliez pas, dans ouais. différents cas. C'est les enfin, légendes de la musique, ouais, de voilà. 69 à 99. C'est 69 qui m'a attiré, en fait. C'est ça. Voilà, voilà. Et avec DJ Pimpon et David Dena. Ouais, David, il est sympa, lui. Je connais. D'accord. Et donc, c'est à la Blomerie. On peut ouais. réserver, donc... Bah, oui, tu peux acheter tes places en prévente. Oui, et puis Jean-Marie, il relaie les infos, quand même. Ouais, absolument. Si, si, on il était venu nous en parler. Oui, ouais. il nous en avait parlé à la précédente. D'accord. À laquelle j'y étais allé, d'ailleurs. D'accord. Là, on y va une vingtaine, quoi. Ça va être chouette. C'est bien, super. Ouais, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. J'ai l'impression de regarder les deux vieux du Muppet Show. Quoi. C'est dingue. Mais c'est lui qui m'embête. C'est génial, c'est super. Toi, tu parles de Waterloo, moi, je parle de Macron. Ah ben non, mais c'est génial. Non mais, non, mais je plaisante pas, c'est génial. Je viendrai même, je pense. C'est génial. C'est génial. Je me suis fait la tête d'un slip. Non, mais sérieux, les garçons, moi, j'interviens pas. Déguisement en poil, ça. C'est quoi? C'est pas mais sérieux. Tu peux. Ouais, alors, mais tu peux. J'ai toujours connu ça, moi, dans ces missions. T'as l'air surprise, mais. Non, non, c'est pas. T'as pas eu l'habitude depuis que t'es arrivé ici. Bon, alors vous allez c'était... vous gâter parce que je vous promets que vous allez le regretter. Hein. Oh bah, c'est pas sûr, hein. C'est pas gagné, hein, ma petite. On en a perdu plus d'une des chroniques. Ah, vous voulez m'achever en fait, c'est ça, j'avais pas compris. Non, en fait, le problème, c'est que quand t'es arrivé, c'était un peu trop calme. T'as oui. pas connu mais les non, émissions c'est... d'avant. Oui. Mais là, bon, le printemps arrive, tout ça, donc... Ouais, la sève, elle monte, et vous êtes... On est tous un petit peu en foufelle, quoi. D'ailleurs, je pense qu'on on ferait une nécrologie des chroniques. Il y en a quelques-unes. Il y en a qui sont vraiment pas restés longtemps. Non, alors moi, je voudrais faire un petit coucou, c'est à Pascal. Oui. Pascal qui nous écoute, il nous écoute depuis l'hôpital, j'ai appris ça cette semaine, il a eu un petit souci au cœur. Aïe. Et là, ouais, il nous écoute depuis l'hôpital, donc je fais un gros bisou à Pascal parce que ah bah on est toujours sans jeu de mots, on est tout cœur avec. Et on est toujours en train de se foutre un petit peu de lui. Et c'est vrai, parce qu'on l'aime mais, bien. Mais ouais, voilà, qui aime bien châtie bien, et lui, on l'aime vraiment beaucoup. Donc on va continuer à te faire chier, hein, Pascal. T'inquiète ah ouais, pas, pas. Dès que tu sors de l'hôpital, tu vas t'en reprendre plein la gueule. Voilà. Mais voilà, ouais. Allez, bon rétablissement. Ouais, un bon rétablissement à toi. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire le tirage au sort de la prochaine session. Ah, je sais pas que ce ton compte, ça peut être sympa. Tiens, je vais tirer deux petits. Faites-vous plaisir. Bah oui, parce que. Ah ouais, vas-y, Harry, tire. Il faut travailler ses bras au lieu de sa langue. Et c'est toi qui dis ça. Ah, tiens, allez, vas-y, oui. Tire au sort. Tu peux tirer. Grognissa. C'est pas Grognissa, c'est croque-niqueuse. Croque-niqueuse. Notre croque-niqueuse. Alors, moi, j'ai. Oulala. Men at Work avec Down Under. Sherlock. Alors là, Men Down Under. Mais je connais que ça. Ah, ouais. Ah, c'est vrai, ça on a bien reconnu. Ouais, si, ouais. On a bien reconnu. Ouais, d'accord, ok. Bah, là, je sais pas. Ou alors là, ici, Muriel Dac avec Là ou ça. Comme là, quoi, elle a pas fait trop. T'étais où là mais pas là ça, c'est non, c'est pas celui-là. C'est vrai que. Elle a fait quoi? Elle a fait Tropique. Il y a eu un Tropique, ouais. Bah ouais, celle-là, je connais. Et là, on est encore. Là, on est dans les. Non, les profondeurs du classement, si je puis dire. C'est clair, ouais. Mais je connaissais Muriel Dac, mais pas ce titre. Eh ben, à découvrir. Okay. À découvrir. Alors, Madonna Summer, She's Rock Out of the Money. Ah ouais. Bah, oui. She's Rock Out of Money. She's Rock Out of Money. She's Rock Out of Money. And the band of me, the right. Sherlock à peu près. C'est ça. Dès que tu sais pas, tu mets des sgaines et des trucs comme ça passe. Pour faire du yaourt, ça passe. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Ça passe. Et après, Serge Gainsbourg, Love on the Beach. Oh, oh. Ah, vas-y, bah, on the beach ou non, non. Eh, je crois que c'est Love on the Beat. Oui, t'as raison. Ouais, on the beat. Beat. Beat. Beat a shun, une shun a beat. Non, pardon, on peut pas dire ça. Attends, comment ça marche déjà ça? Ah, j'avais love. Love. Ah, on the beat. On the beat. Et toi, tu fais la femme. Non, mais c'est... La femme, elle fait. Ah, ah, ah oui, oui, oui, oui. Alors, d'ailleurs, il y a très peu de. Ah, je crois qu'il n'y a plus une seule radio où il y avait très peu de radios qui passaient le titre en entier, qui dure 6 minutes, je crois. Oui, parce que C'est vrai qu'il est quand même assez... Dans le style, il y avait aussi Lil Louis avec French ouais, Kiss. French Kiss, ouais. Bon, là, on a dit qu'il fallait réchauffer l'atmosphère, ah, c'est bien oui, parti. Ah ouais, bah là, c'est bon, là. Alors, par contre, là, les gars, je vois que... Attends, là, ouais. Sherlock ou... Mmh. Ou Flipkat, l'un ouais, ou l'autre. C'est moi. Alors, vas-y. Alors, avec... Tout le monde a okay, tiré. Avec Ottawan et t'es OK. Ah, yes. T'es OK. Yes. T'es plate. T'es batte. T'es... C'est l'expression préférée de Flipkat, ça. T'es batte. T'es batte. T'es OK. Ouais, t'es batte. T'es batte. Et ensuite, les Common Arts avec Never Can Say Goodbye. Ah, ouais. No, no, no, no, no. J'adore. Reprise de... Évidemment, de Never Can Say Goodbye, c'est Donna Summer. Donna Summer. Voilà. Bah ouais, ouais, il a repris Donna Summer. Non, c'est pas Donna Summer, si. Je suis pas sûr. Je pense pas. Justement, j'avais un doute quand t'as dit ça. Non, j'ai un doute, mais je pense pas que ce soit Donna Summer. On pourra pas lui demander, vu qu'elle est pour l'instant décédée. Non, on attendra son. Non, elle est pas décédée. Elle est morte, Donna Summer. Ah bon ? Ah oui. Ah bon, ok. Il y a 2 ans maintenant, je pense. Un an sûr. Ah d'accord. Oui. Ok. Alors, une petite consultation. Gloria Gaynor. Ah bah Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, évidemment. Ouais. Eh bah écoute, ça marche. Eh bah ce qu'on va faire, c'est que le temps que Stéphane se prépare une petite coupure musicale. Qu'est-ce que notre je vais ami Sherlock. Et elle est morte en 2012 de la Summer. Ah d'accord, ouais, quand okay. même. Non, ah ouais, plus quand que même, je pensais. Et bon, on va repartir un truc un peu plus chaud. Oui. Avec le grand orchestre du Splendid et Macao. Eh bien justement, parlons-en, puisque effectivement, rapidement, on avait reçu il y a quelques années, et Stéphane, je t'en souviens, c'était une belle rencontre. Très, très bien. Voilà, très, avec Emilianne Charlotte, qui était venue dans les studios pour présenter donc son album. Emilianne Charlotte qui a fait une belle ascension depuis, puisqu'en fait, elle travaille avec Jacques Maillot et Jean Roucas, entre autres, Bernard Mabille, Guidoni, entre autres, au Théâtre des Deux Ânes, donc à Paris, où elle est en représentation tous les soirs. C'est déjà, je pense, à la troisième pièce différente. Oui, oui, hein, oui, absolument, que... absolument. Donc elle tourne très très bien, et bah là, elle nous a envoyé un message justement pour nous dire que elle se produisait donc avec le grand orchestre du Splendid. Elle les a rejoints maintenant il y a quelques années aussi, et elle va se produire donc à l'Olympia. Donc c'est le 18 mars aussi également, donc à l'Olympia. Si vous êtes du côté de Paris et que vous avez envie de revoir donc le grand orchestre du Splendid, ouais, c'est géant, ça. Voilà, qui a été créé, on le rappelle quand même, par le fils de Jean-Marc Thibault, si vous ne le saviez pas. Et voilà, donc c'est le fils de Jean-Marc Thibault qui a créé donc le groupe du Splendid et qui a été créé donc au Théâtre du Splendid. Voilà, évidemment, donc si vous voulez plus d'infos, bah, vous regardez sur internet, vous allez voir, et puis vous tapez Mini Anne Charlotte et vous verrez, elle est avec tout le groupe donc le grand orchestre donc du Splendid, qui se produiront donc à l'Olympia. Donc si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas donc le 18 mars à découvrir ça. Ouais, ok. Et ensuite on va revenir, bon là par contre il fait un peu plus froid, c'est à Liverpool avec Patsy. J'adore. Ah ouais, moi aussi j'adore. Mais décidément, mais toutes ces personnes qu'on a reçues. Mais oui, et d'ailleurs, Patsy, qui est une très bonne amie à Émilie, d'ailleurs, au passage, ils se côtoient régulièrement et qui ont fait des collaborations, hein, je pense, ensemble. Ils ont fait des choses ensemble avec Émilie et Charlotte. Musicalement, parles. Ah oui, Flipkat tout de suite là. C'est vrai que j'ai vu sa mèche se dresser d'un coup à Flipkat. Je me suis dit, oh là, allez, c'est parti. L'énorme et vieux ventilateur essayait de brasser l'air lourd d'odeur. On aurait pu palper la peur dans une aussi épaisse moiteur. Pour la 12e fois de la soirée, Jeanne Gravel l'air emmerdé. 3e bouton de son bustier pour 3 matelots vraiment flippés. À la grande table de poker, 2 as planqués sous la théière, le vicomte lançait les enchères, une main posée sur le revolver. Macao, Macao, Macao. Ça sent les 5 écarlates.

les amis. Ah, vache. Montons tous dans la DeLorean. On serre un petit peu et on repart vers l'année 1980. C'est parti. Alors oui, effectivement, donc la chronique Ciné Rétro 80, où je vais vous parler d'un film des années 80 que j'ai revu cette semaine. Et où je vais essayer de vous faire deviner justement le titre de ce film, vous remémorer un petit peu tout ça, en vous donnant quelques indices, donc notamment des musiques du film et des extraits de dialogue. Retour vers le futur. Non, alors c'est pas celui-là. Mais un de ces quatre, je le referai. Ouais. Je ferai Retour vers le futur et je remettrai quand même ce truc. Okay. Et vous allez me dire Retour vers le futur, je vais dire eh merde. Eh merde. Donc voilà. Donc je vais commencer en disant que le film est sorti effectivement le 7 février 1980. Et Onissa va me dire que c'était un... mercredi. Bien. Bien vu. Effectivement. C'est un film de Robert Benton. Ouais. Ah, Harry peut-être Non, je non, connais d'accord. Bento, mais Benton... non, Pento, pardon. Pento, ouais, mais Pento. C'est pas lui. Alors, le film a fait 4 39 372 entrées au box-office français. Ah, quand même. Quand même. Ouais. Ah, ouais, quand même. Ouais. Il a eu 7 prix, dont 3 Oscars et 4 Golden Globes. Ouh. Et a été nominé 10 fois, notamment au César, au BAFTA et au Golden Globes. Ah, ouh. Donc, c'est pas un petit film, quand même. Hein. D'accord. Et la musique est de Herb Harris. D'accord. Alors, je vais vous passer la première musique... qui est une musique classique, ouais, qui est reprise dans le film. C'est celle-ci. Alors, c'est Henry Purcell, ouais, avec Ronde au menuet. Est-ce que ça a... y a un point commun avec Love Story? Love Story... L'un des acteurs. Non, je ne pense pas. C'est pas un prénom et un nom? Un prénom et un nom? Le titre du film. Non, non. C'est d'accord. Deux noms. Il y a deux noms dedans. Ah, c'est deux noms. D'accord. Nom de nom. Ouais, ouais, nom est-ce de nom. Est-ce un rapport avec un éléphant, par exemple? Avec un éléphant? Ouais, le premier mot. Ouais. De quoi tu penses? À Babar, Dumbo? Bah, à Barry. Ah un non. Éléphant, l'éléphant, non, c'est non, Barry. Non. Je pensais à Barry Lyndon, en fait. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est pas Barry Lyndon. C'est vrai qu'il y a la musique classique aussi. Ouais, ouais, bah oui, effectivement. Mort. Alors, c'est pas ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Le titre? Bah, je vais... Non, non, bah, non, peut-être pas quand même. Non, non, je vais vous donner quelques noms d'acteurs. Alors, il y a par exemple Joe Seneca, Joe Beth Williams, Howland Chamberlain, Howard Duff, Jane Alexander, Justin Henry. Ça, c'est pour, on va dire, les moins connus, ouais, bien que Justin Henry ait quand même eu un Oscar. D'accord. Film américain, alors, forcément. Oui, c'est un film américain. Alors, je vais vous passer un extrait de dialogue du film. Écoutez bien l'extrait qui suit. Non, c'est pas celui-là. Candy. Non. Je me suis planté. C'est celui d'à côté, celui-là. Bon, qu'est-ce que tu veux manger? Du pain perdu. Ah, allons-y pour le pain perdu. Tes désirs sont des ordres. Il nous faut combien de... Attends, deux pour toi et deux pour moi. J'ai du lait, j'ai du beurre. Regarde un peu ça, d'une seule main. Tu savais que tous les grands chefs sont des hommes? Je parie que tu savais pas, hein? T'as vu, pas t'as mis de la coquille. Ah, ça fait rien. Il sera plus croustillant comme ça. T'aimes bien quand c'est croustillant, non? Bon, ben, j'ai une idée. Toi, tu vas les battre et je vais faire le reste. Ah, où est-ce que maman met la... Elle est dans le four. Poil. Dans le four. D'abord, il faut une bonne flamme. Papa, ça brûle, ça brûle. Quoi? Ça brûle. Oh. Ah, ah, la salope. Voilà. Il y a le syndrome de Gilles de la Tourette, lui, non? J'ai reconnu la voix du gamin. Ouais. C'est une voix de femme, faut le savoir. Ouais, ouais. À l'origine, c'est une voix de femme, la voix du gamin. Souvent, souvent dans les films ou les dessins animés, c'était des femmes qui faisaient les voix des enfants. Alors, ça a été une voix célèbre d'un gamin célèbre, mais je pense pas qu'il joue dedans. Mais est-ce que le gamin a joué dans un feuilleton? Il y avait un frère. Je ne pense pas. Donc, mais... je pensais à Ricky Schroeder. Non. D'accord. Alors, c'est la voix française de Ricky Schroeder. Ouais, entre autres. Ouais. Entre autres. Oui, entre autres. Non, non, là, c'est la voix de Justin Henry. D'accord. Donc, je disais qu'il a reçu un Oscar. D'accord. Alors, je vais vous passer un autre extrait. C'est également un extrait de dialogue. Écoutez bien. J'aimerais bien terminer mon travail, alors je t'en prie, tu me laisses travailler. Au revoir. Ted, ce que tu ne comprends pas, c'est que toi et moi, on va avoir un problème. Oh, Margaret, moi, je vais avoir un problème. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est tu prends la porte, tu redescends l'escalier et tu te remets à pioncer. Ted, le fait est que je... Écoute, Johanna... le fait est que depuis déjà 6 mois, je m'ouvre les tripes pour rabattre à notre agence un des plus gros budgets qu'elle ait jamais eu. Et à 5h aujourd'hui, voilà, ça y est, c'est fait, on le décroche. À 8h du soir, je pars avec le vice-président qui m'annonce que moi, je vais passer directeur de la création dans son département. Alors je fonce à la maison pour partager avec ma femme ce qui est forcément une des plus belles journées de ma vie. Et voilà qu'elle elle me regarde froidement et qu'elle me dit qu'elle veut plus vivre avec moi. Alors, je sens que Harry est moi, un peu comme sur la je voie. Suis largué. C'est vrai ah, ouais, d'accord. Onissa, ça te dit rien? Moi, je vais être solidaire. Hein. Il y a eu un remake il y a quelques années de ce film. Pas un remake, mais une suite. Je ne pense pas. Il n'y a pas eu de suite, alors. Je pense pas, non. Suite 4, peut-être ? Non, là, franchement, non. Pour l'instant, non. Non ? Bon, non. Alors, je vais vous passer donc le dernier extrait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Candy. C'est pas Candy, c'est le thème du film, en fait. C'est celui-ci. Et c'est donc Herb Harris qui l'a fait. C'est une musique classique. C'est une musique classique aussi. Autant pour moi, c'est pas Herb Harris, mais c'est lui qui l'a repris. Oui, alors, ça, je vais vous donner le pitch du film. Donc, exaspérée par les priorités professionnelles de son mari, Johanna, je ne vais pas dire son nom. Car ah, c'est, bah oui, évidemment. Voilà. Mais Johanna quitte un son. Oui. Ah, bah oui, évidemment. Alors, et ça se passe au tribunal à la fin. Oui. Oui. Johanna évidemment. Quitte son mari Ted et leur fils Billy. Mais le père doit alors concilier l'éducation de son fils et son travail de publicitaire, mais parvient à tisser une relation très forte avec Billy. Quelques mois plus tard, Johanna est de retour et entame une procédure judiciaire pour obtenir la garde de l'enfant. Bien sûr. Alors. Ah oui, j'ai trouvé. Mais, et un des acteurs, c'est un grand comique. Non, pas tant que ça. Ah, donc, c'est pas le film en question. C'est un acteur multifacette qu'on a pu voir dans Rain Man, par exemple. Par exemple, dans Tootsie. Dans Tootsie. Ouais, ouais, ok. Voilà. Mm-hmm. C'est un grand acteur petit par la taille. Ouais. Oui. Oui, mais ouais. Ok, maintenant je vois qui, mais c'est pas celui auquel je pense. Alors. Donc, Harry, tu as trouvé le... Oui, bien le sûr, j'ai trouvé, bien sûr. T'es agaçant. Flipkat, est-ce que t'es revenu sur le titre du film? Le titre du film, non, pas du tout. Non, Onissa... C'est un combat. Ni le titre, ni le film. D'accord. C'est très facile. Moi non plus, moi non plus. C'est quelqu'un contre quelqu'un. C'est ça. Oh, grammaire contre grammaire. Et c'est ça. Voilà, exactement. Alors là, c'est ce qui s'appelle du bol. C'est ça. C'est Kramer contre Kramer. Eh ouais. D'accord. Merci, Harry. Effectivement, Kramer contre Kramer, donc qui a, je le répète, qui a gagné 3 Oscars, 4 Golden Globes, qui a fait plus de 4 millions d'entrées en France. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, à la base, il faut savoir que c'est François Truffaut qui devait réaliser le film, mais il préféra se focaliser sur ses projets en France, et c'est lui qui suggéra de confier le poste de réalisateur au scénariste du film, Robert Benton. D'accord. Dustin Hoffman, lui, par contre, était en plein divorce quand il accepta le rôle. Eh ben. Donc, tu vois, c'est pourquoi l'acteur n'aimait pas le rôle et pensait le refuser, considérant que le scénario ne faisait pas justice aux sentiments qui le parcouraient alors. Il décida toutefois d'accepter le rôle de Ted, à condition de pouvoir réécrire le script avec Robert Benton, le réalisateur scénariste, en incorporant les éléments chaotiques de son divorce avec Anne Byrne, sa première épouse. D'accord. Excellent. Donc il y a une partie un peu biopique dans le film. Hein. Alors Kate Jackson, si vous vous souvenez, c'était l'une des drôles de dames, c'était la brune les drôles de dames. Ouais. Elle a failli jouer le rôle de Johanna, mm-hmm. Et en fait c'est Aaron Spelling, le producteur, qui l'en a empêché. D'accord. Ah, ouais. Et donc finalement c'est Meryl Streep. Meryl Streep. Ouais. Alors justement, donc Meryl Streep devait à l'origine tenir le rôle de Phyllis, donc le coup d'un soir de Ted. Ouais. Donc syphilis. Oui, c'est ça. Je l'attendais. Et pour le rôle de Johanna, les producteurs auraient voulu une actrice plus renommée. Donc Jane Fonda a refusé le rôle. Et pour faire face à la star Dustin Hoffman, mais impressionné par l'actrice et à la demande de Dustin Hoffman, le réalisateur confia le rôle de Johanna à Meryl Streep, qui venait alors de perdre son fiancé, l'acteur John Cazale, donc qui a joué dans Le Parrain et Un après-midi de chien, par exemple. Qui est mort d'un cancer du poumon. Aïe. Ah ouais. Donc, Il y en a un qui était en plein divorce, l'autre qui venait de perdre son ami. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a eu énormément de tensions entre Dustin Hoffman et Meryl Streep. Et Dustin Hoffman a ouvertement déclaré après le tournage qu'il détestait l'actrice plus que tout. L'acteur pensait en effet que Streep était en train de lui voler la vedette. Et la tension est même visible dans la scène du restaurant dans laquelle Dustin Hoffman renverse son verre de vin dans un excès de rage. Donc c'est un geste pas du tout prévu dans le scénario, censé montrer à Meryl Streep, dont la réaction est 100% naturelle de ce fait-là, était la star. Alors si vous regardez le film, vous allez voir qu'il balance son verre contre le mur et Meryl Streep qui a un sursaut un peu de surprise en fait, parce qu'elle s'y attendait pas du tout en fait. Donc après avoir été nommé l'année précédente pour son second rôle dans Voyage au bout de l'enfer, Kramer contre Kramer sera sa première victoire aux Oscars, donc pour Meryl Streep. Et lors de la cérémonie des Oscars, où elle fut récompensée, Meryl Streep a oublié sa statuette dans les toilettes lors du gala d'après-cérémonie. D'accord. Mais elle l'a perdue. Je ne sais pas si elle l'a récupérée, mais elle l'a oubliée dans les toilettes. Et donc, pour la chanson « Mon fils, ma bataille », Daniel Balavoine s'inspira de ce film et d'un ami qui vécut cette situation pour écrire ce qui est l'un de ses plus grands classiques. Ah, d'accord. Et voilà. Et ouais, il a écrit en hommage à un de ses potes. Et vous l'avez vu, Kramer contre Kramer? Non, mais par contre, ça donne envie d'aller le voir. Franchement, et... Ah, tu veux plus aller le voir, non. Non, et j'en ai eu les larmes aux yeux. J'en ai eu les larmes aux yeux. J'étais limite en train de chialer, quoi, parce que le rôle du gamin, il le joue très bien et il a gagné un Oscar. C'est le plus jeune enfant à avoir gagné un Oscar à l'âge de 8 ans. Ouais, et ça a encore jamais été égalé. Je crois que l'autre, après, c'est 9 ans. Donc c'est encore lui, le plus jeune enfant à avoir reçu l'Oscar. Ouais, c'est juste. D'accord. Et on le revoit, lui, ou pas, cet acteur-là, justement? Je sais pas. J'ai pas été regarder s'il a fait d'autres films après, par contre. D'accord. Je peux aller voir vite fait, mais je te dirai ça après, quoi. Après le défi mix de Stéphache. Eh ben, absolument, Stéphache. Bah, écoute, un film à revoir, parce que j'ai... Alors, j'ai pas souvenir, je pense. Moi, j'ai pas vu, mais ça c'est un film qui est passé régulièrement c'est... la télé. Bah, oui. C'est un super beau film, et franchement, il y a un moment où donc la mère Meryl Streep demande à revoir l'enfant, et Dustin Hoffman explique au petit qu'il va donc aller chez sa mère, et lui ils font en larmes parce que ils ont tissé en fait un lien vraiment fort alors qu'au début ils se voyaient quasiment jamais. Et j'ai eu les boules, franchement, j'ai eu les boules en voyant cette scène. Alors, ça fait quoi d'être un homme? Non, mais j'ai repensé, moi, à mon enfance aussi. Ouais, voilà, j'ai des parents divorcés, donc forcément, je me suis remis un petit peu dans le contexte. Et c'est vrai que ça touche, quoi. Le film m'a touché. C'est beau. Les boules. C'est ça. Il m'a touché les boules, ouais. Moi, honnêtement, quand tu. Allez, je connais le titre Grammaire contre Grammaire, tu t'attends pas à un film comme ça? Non. Franchement, non. Ah, si, non. Aussi, mais... Non. C'est vrai, quand t'entends le titre, tu penses pas... Ça, ah bon? Bah si, c'est la famille Kramer contre la femme Kramer. Ouais, non, ouais. Tu penses plus à un truc... Monsieur et Mrs. Smith, là, je sais pas quoi, là. Non, mais c'est... Ah ouais, peut-être, ouais, peut-être. Oh, attention, là. Oh. Ça sent le défi mix à plein nez. Il paraît. Donc, vous savez par quoi on va commencer, du coup? Eh ben, écoute, je reconnais pas, moi. Non, mais Network, I wanna go to damn down under. Voilà, c'est une magnifique interprétation, moi. Ça, je connais quand même. Allez, c'est parti. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. The meters flow and men shine.

Un petit contexte techno. Non, mais excellent. Ouais, ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est très bon. Belle c'est très session, bon. C'est du Stéphache. Hein. C'est du Stéphache, pur Stéphache. Ah, bah là, je vais mieux, tu vois. Ouais, ah ouais, franchement, une belle session. Franchement, ouais, ouais. Voilà. La première, c'était un peu. Il fallait se réchauffer. Ouais, mais là, ça met de l'ambiance. Ah ouais, on devrait mettre une boule à facettes ici. Ah ouais. C'est vrai, hein. On a ouais, ouais. Donc, Ottawa T.O.K. Ottawa T.O.K. versus Muriel Dac avec là où ça. Ouais. Et qui ressemble d'ailleurs à Tropic. Hein. Versus ah ouais, ouais. Qui non. Bon, ça va. Hein. C'est bon. Hein. C'est bon, sa chronique, elle saute. Ouais, non, non, ça va être son tour. C'est bon aussi, c'est fâche. Ah bah, justement, Flip 4, toi qui as la parole. Oui, et donc bah, je la garde. Regardez, allez, c'est parti. Il y a plus longtemps. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas fait. Non, Canon n'est pas là. Ouais, voilà, donc c'est pour ça que. Point trop d'infos. Exactement. Hein. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Ouais, les plaisanteries les plus courtes sont eh les meilleures. Eh bien, merci pour cette chronique. Tant pis. Allez, Loulou, je vais vous parler de Iggy Pop. Allez, Loulou. Allez, Loulou. Allez. Alors, Iggy Pop, de son vrai nom, parce que c'est pas son vrai nom, ce gars-là, hein, il s'appelle James Newell Osterberg Jr. Ouais, parce que c'est plus facile avec C'est vrai qu'Iggy Pop, ça va mieux quand même. On va garder Iggy Pop. Ouais. Et il est né le 21 avril 47 à Muskegon, alors c'est dans le Michigan. Ah, si des fois vous avez envie de passer les vacances là-bas. C'est un chanteur, compositeur et acteur américain, on y reviendra après. Oui, parce que ça paraît étonnant, mais c'est un acteur. Ah oui, bah, il a joué, ouais, oui, effectivement. Et ouais, dans les pubs, le bon coin. Exactement. Et c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai mal. J'ai rien fait. Et ben, cette émission ne passera jamais en vidéo. Non. Alors, il est considéré comme un des artistes rock les plus influents et historiquement un des premiers groupes précurseurs du mouvement punk avec son groupe. Il a eu un premier groupe, les Stooges, qui était fondé en 67 jusqu'à 74. Il est reconnu d'ailleurs comme, par les punks, hein, comme le godfather of punk, le parrain du punk, par les punks des années 70, et ça jusqu'à la fin, au début des années 80. Pardon. Alors on l'avait surnommé l'Iguane, Iguane, et de là il venu son nom Iggy Pop en fait. Ah d'accord. Oui, okay. Tout à fait. Bah, il suffit de regarder, hein, même sur ses prestations scéniques, il se contorsionne. Ouais. Ouais, donc bah, c'est de là que vient son surnom. Ah, d'accord. Hein, donc, bah oui, effectivement, puisque connu pour son jeu de scène torse nu. Alors, ben, de 60... Pardon ? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Ah, cela dit, si. Ah oui, oui. Il aime bien se défroquer et montrer sa bistouquette. Ah oui, non, oui, d'accord, mais il n'a pas très poil, Iggy Pop. Non, mais moi, je parlais du poil du torse. Et est-ce que, comme le lézard, quand tu lui arraches la queue, elle repousse après ? Alors ça, je pense que personne n'est allé tirer sur la bobinette... Charlotte, c'est pour toi que tu parles, pardon. Tu crois que t'as d'espoir? Non, ça repousse pas chez les hommes, désolé. Ah, d'accord. Tu feras qu'est-ce que t'as, tant pis. Alors, avant les Stooges, Iggy était un batteur également, de 63-65 avec son premier groupe de Iguanas, hein, où il héritera de son surnom, justement, comme je le disais, d'Iguane, rapidement raccourci en Iggy. Et effectivement, avec un premier titre de ce groupe-là, d'Iguanas, qui s'appelait « I Wanna Be Your Dog ». Donc voilà, là on était donc en 69 avec I Wanna Be Your Dog et donc Guy à la batterie, puisqu'il était à l'origine batteur pour son groupe de Iguanas. Ouais. Ensuite, il a changé d'orientation, fan des Rolling Stones, de Frank Sinatra et des Doors. Il forme un autre groupe de Psychedelic Stooges et prend temporairement le pseudonyme de Iggy Stooge, groupe qu'il forme alors avec les frères Ron et Scott Ashton. avant de définitivement opter pour The Stooges et Iggy Osterberg pour son nouveau nom de scène Iggy Pop. Alors évidemment, ça vous n'allez pas être étonné. Drogue et conflit d'intérêts ont une première fois raison du groupe. Bien sûr. Et c'est David Bowie qui remet en 72 Iggy et le groupe sur pied. D'accord, ouais. Oui, c'est là qu'a démarré la collaboration en fait, puisque à partir de 74 jusqu'à 2003 quand même, Iggy a essayé de faire carrière solo. Alors la suite évidemment moins glorieuse, Iggy continue donc sa carrière solo, s'enfonce davantage dans la drogue, tente de s'improviser chanteur pour l'ex-Doors Ray Manzarek, vit dans la rue, se mutile sur scène, ça c'était un de ses grands... Ça faisait partie de ses jeux de scène, lors de performances artistiques extrêmes, enregistre avec l'ex-Stooges. James Williamson, un album qui s'appelait Kill City en 76, et évidemment suite à toutes ces prestations un peu gore. Plus ou moins gore, on peut dire ça, il sera refusé par toutes les maisons de disques là où il s'est présenté. D'accord. Alors proche de la déchéance, Iggy tente alors de se libérer de son addiction à l'héroïne et passe un an dans un hôpital psychiatrique. Et après cette année d'isolement forcé, Bowie l'emmène avec lui à Berlin pour la tournée. Et ça vient de, vous allez trouver pourquoi, la tournée avait été baptisée Station to Station. En fait, ça fait allusion au métro, en fait. D'accord. Voilà. Hein, donc ça, c'est pour sa collaboration avec Bowie qui commence là. La complicité artistique entre les deux artistes oscille radicalement différent, s'y développe. Ils composent et de leur travail naissent les deux albums solo d'Iggy. Entre autres, The Idiot avec ce premier titre, parce que vous allez le reconnaître, ça n'est pas de David Bowie, China Girl. Ah oui? I could escape this feeling with my China girl. I'm just gonna let you around my little China girl. I hear a heartbeat loud as thunder. Sorrow starts. On peut pas dire que ce soit un grand chanteur quand même. Ouais. Non, mais je pense qu'il s'est jamais revendiqué. Je préfère la version de Bowie quand même. Oui, mais c'est justement, c'était deux artistes, c'est ça qui était assez étonnant. Étonnant et brillant, je trouve, c'est qu'ils avaient deux styles complètement opposés. Oui, pas du tout le même timbre de voix, et pourtant leur collaboration, elle était relativement longue et je pense fructueuse quand même. Alors évidemment, il y avait donc ce titre, puisque beaucoup de gens ignorent que c'était à l'origine, ça a été chanté par Iggy Pop, comme on vient de l'entendre. Il y avait un deuxième album qui s'appelait Lust for Life, avec le même titre d'ailleurs, Lust for Life, un titre que j'aime beaucoup. Non mais il m'embête celui-là. Mais Sherlock, il l'aime moins bien. Harry hors antenne. Je crois qu'on m'a entendu, mais c'est parce que bon, voilà, on a pris quelqu'un chez Crit Intérim pour faire la technique, donc voilà, forcément, donc il nous laisse les micros pendant les passages musicaux. Mais effectivement, c'est un titre, je crois, qu'on entend dans la BO de Trainspotting, mais dans le 1. D'accord. Mais comme je ne l'ai pas vu, je peux pas te dire. Dans le 2, d'ailleurs, il y a quelques titres d'Iggy Pop. Ah, c'est bien possible. Ouais, bien sûr. Donc Lust for Life, ça j'aime bien parce que c'est un titre, on danse pas mal là-dessus, pour faire les pogos c'est bien. C'est plus pour les pogos. Ouais aussi, mais c'est bien, mais j'aime bien le titre aussi. Et puis il y avait aussi The Passenger. Alors ces titres sont sortis en 77 et grâce au crédit de David Bowie d'ailleurs. Fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. C'est terrible, hein, la ressemblance. Ah ouais. Pourtant, c'est 77, je demandais hors antenne. Le titre doit, il doit dater du de, début des années 80. Oui, ouais, Cookie ouais, Dingler, ouais, c'est 80. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bon, bah, donc il ne faut pas chercher l'inspiration. C'est un autre titre que j'aime beaucoup. J'aime je préfère Cookie Dingler quand même. Bah, moi, je préfère The Passenger. Ah bon? Je ne serais pas douté, tiens. Donc, bah, avec ces deux albums d'Idiot et Lust for Life, Iggy Pop connaît le succès. Abandonné un moment par David Bowie, qui faisait s'occuper de sa carrière, lui, Iggy doit, donc voit son nouveau succès décroître rapidement, hein, puisque ben, il a été livré à lui-même. Il va cependant sortir trois albums où il revient à un style de musique beaucoup plus violent, New Values en 79, Soldiers en 80 et Party en 81, avec entre autres le titre Sea of Love, et vous allez voir, c'est un petit peu déconcertant. Effectivement, ça change. Eh oui, je vous l'avais dit. Bah, wow. Ça change de style. On peut pas dire ce qu'on a chanté en antenne, cher de bah, si, on peut, on peut le dire. Il faudrait que tu remettes l'intro. Ah bah attends, je remets. Attends, attends. Ah, ouais, et on le chante. Allez. Tant, hop. Pis, hein. Tant pis pour hip-hop. Ah, hein. Allez, c'est parti. Avec les filles, j'ai un succès fou. Excusez-nous, voilà. C'est du Christophe. Et ouais. Donc, ah ouais, mais Christophe fait, qui hein. est sorti bien avant les hip-hop. Donc, ouais, c'est fou, excuse, je sais pas. Excuse-nous. Non, non, non, je crois que Christophe, c'est. Celle-là, non. Ça doit être 84 ou 86. Ah, bah non, ça, c'est fou, encore une fois, c'est 80. C'est pas plus vieux que ça. Attends, attends, attends, je vais aller voir tout de suite. On n'est pas dans les années 70 là. Non, je ne pense pas, non. Christophe, succès fou, c'est de 86. Ah, bah, excusez-moi. Voilà. Enfin voilà, non, c'était bon, excuse-nous hein, mais là on non, mais y a pas carrément de... Mais justement, c'était pas par rapport à ce que j'avais passé au moins, c'était pas c'est pour ça que je vous dis ça peut... c'est déconcertant et ah, c'est déroutant. C'est le cas de dire, ouais. Franchement, même la première fois moi j'ai entendu ça et c'est là qu'on voit bon sans la collaboration de Bowie, il a été largué, livré à lui-même. Donc franchement, ça pouvait pas briller au niveau des compositions. Alors comme vous pouvez entendre dans le studio, on a du matériel dernier cri. Alors soit c'est une péniche qui rentre en port, ou autre. C'est le ferry, qui rentre dans le port. Même dernier bruit. Est-ce que Onissa, tu peux nous refaire le bruit? C'est mieux de refaire ça. Attends. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est les pieds de micro en fait. Quand on bouge, je vais essayer le mien. Non, moi ça va. Non, il y a que le mien en fait. Écoutez bien. Alors, je vous rappelle, vous êtes toujours sur RQC 95 FM. Un iceberg, un iceberg. Les chroniques, je trouve que les chroniques aujourd'hui, c'est quand même perturbant. C'est perturbant. Et pourtant, Canon n'est pas là. C'est long, vrai, pourtant, quand, ouais. On va mettre sur le dos quand même. C'est vrai quand même. Excuse-moi. Vas-y, continue. Voilà, voilà. Vas-y. Donc, ben, avec le morceau Sea of Love, là, qu'on vient d'entendre, qui est franchement un peu. C'était pas une réussite. Bah, c'est surtout que ça ne ressemble pas du tout à. Non, non, non, c'est bon, c'est bien la preuve. Il a voulu se réessayer à faire une carrière solo, mais comme il n'y avait pas de collaboration avec David Bowie, puisque lui, il était au sommet de sa gloire à l'époque, au début des années 80. Et cependant, bah, justement, lui, Bowie, avait repris les morceaux qu'il avait coécrits avec Iggy en 77, comme China Girl, évidemment, ouais. Hein, qui a connu le succès qu'on connaît. Et de ce fait, Bowie ben, l'aide de nouveau pour la conception pardon, de son nouvel album qui s'appelait Blablabla. Blablabla. Blablabla. Blablabla. En 86, plus Rock FM avec notamment la reprise de Real Wild Child. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Start a ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Carrément, mais c'est terrible, terrible. Mais non, mais franchement, t'accélères un peu le tempo et t'as ça. Ouais, ça plane pour moi, c'est dingue. Ouais. Voilà, donc assez étonnamment. Par contre, alors par contre, ça plane pour moi, c'est de 79. Donc là, Iggy Pop l'a peut-être repris. Hein, Non, parce que Real Wild Child, c'est déjà une reprise. D'accord. Ah ouais, donc j'ai pas joué du mec original. Ouais, donc peut-être que ça plane pour moi est une reprise au niveau musical. Peut-être. Voilà. Parce que ah, franchement, bah, ça, là, ça, ressemble, fort quand même, hein. Ça ressemble vraiment fort. Ouais. J'aurais dû mettre l'original et je sais plus de qui elle est, mais Real Wild Child, c'est une reprise, effectivement. D'accord. Alors, ben, ce titre-là qui deviendra, et ça, c'est assez étonnant par rapport à ce que je vous ai passé tout à l'heure, que vous avez reconnu, ça deviendra en fait son premier tube, le premier tube de sa carrière. Et on avait aussi un autre titre comme Cry for Love. On a de la haute qualité ici. Ouais, je suis désolé. Très franchement, je sais que j'en avais enregistré deux et je n'ai pas su retrouver une qualité un peu meilleure que celle-ci. Qualité cassette. À la limite, on n'en est pas loin. Genre, et je m'en excuse. Et tout de suite, dans 81. Alors évidemment, que le dernier micro-sillon. Génération vinyle. On y arrive. On va y aller. Le succès va se confirmer à la fin des années 80 avec l'album Instinct en 88 avec par exemple le titre Cold Metal. C'est encore une fois un changement d'orientation au niveau du style, hein, parce que c'est hard rock mélancolique en fait. Hein. Et puis il y avait sur un autre album qui s'appelait Brick by Brick en 90, il y avait un autre titre qui était sorti, Candy. Et on va terminer là-dessus. Candy. Pourquoi ? Moi j'aimais bien Candy. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. It's been 20 years, Candy. You were so fine. Il y a Stéphane qui nous a sorti le truc. C'était... Non, mais non, mais non, non, non, non, non. Non, bon, non, non, quand même. Non, on va pas le dire. C'est bon que sur les premières notes, c'est tout. C'est ça, ouais. Mais tu les as bien placés quand même. Vas-y, flip 4. Ouais, donc on entame avec ce titre Candy qui était issu de. Ben, pas de son dernier album, bien évidemment, mais de l'album de 90, Brick by Brick. Ça s'appelait Candy. Alors tout à l'heure, on avait fait allusion de sa carrière cinématographique. Iggy Pop a fait de nombreuses apparitions au cinéma. Un premier film, Dead Man, en 1995. Coffee and Cigarettes, en 2004. On le voit aussi partager l'affiche aux côtés de Johnny Depp dans Cry Baby. Ah oui, d'accord. Vous vous souvenez de ça? Ouais. En 1990. Ou encore dans une série de Crow, City of Angels, avec Tim Pop. Ouais. D'accord, hein? Ok. Il apparaît, ben évidemment, dans... Alors ça, c'est un peu moins connu, et j'ai... c'est vrai que j'allais dire, j'allais le regarder par curiosité, dans le film Les Gamins d'Anthony Marciano, en 2013, où il joue son propre rôle. Ah ouais. Et évidemment, on l'a mentionné tout à l'heure, en 2014, il apparaît dans la publicité pour le célèbre site d'annonces en ligne, Le Bon Coin. Il a dû être grassement payé pour faire ça. Ouais, quand même. Ah, je pense, ouais. J'imagine. Alors, titre d'information, et c'est vrai que j'aurais pu faire une petite sélection, même si on sortait des années 80, parce que c'est assez intéressant. Guy Pop est un francophile qui parle un français respectable, un amoureux de la culture française, et il a fait deux derniers albums. Ces deux derniers albums, d'ailleurs, on porte un titre français, Préliminaire et Après. Voilà. D'accord. Ah, c'est parfait. Ça résume bien. Ouais, ça résume bien. Et voilà, donc s'il était nécessaire de démontrer que c'était un amoureux de la culture française et de la langue française. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'album comporte pas que des compos, il y a des reprises très intéressantes. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il y a Les Feuilles Mortes dedans. Ah ouais, en français. Allez voir, en français. Si je dis pas de conneries, de mémoire, oui. D'accord. Et ça, et je l'avais écouté. Dans les années 90, il y a eu un morceau aussi d'Iggy Pop. C'est comment ? The Death. Ah, In the Death Car. In the Death Car. C'était. Exact. Oui. In the Death Car. D'ailleurs, je crois qu'il y avait également Johnny Depp qui jouait dedans. Oui, mais c'est. On va quand même faire une vidéo. Le film. D'ailleurs, rappelle-moi, Flip 4, c'était quel film ? De Costa Rica d'ailleurs. Hein. Arizona Dream. Avec Johnny Depp et Jerry Lewis aussi. Oui, ouais. Exact. Un film complètement barré. Et effectivement, la musique derrière, magnifique. Hein. Magnifique musique. Et d'ailleurs, il y a deux titres de Iggy Pop. Avec Jerry Lee Lewis alors. Pas Jerry Lewis. Avec Jerry Lewis, le comique. Ah, le comique, ouais, d'accord. Ouais, l'humoriste. Ouais. Bon, je m'en souviens pas, tu vois. Jerry Lewis. Ouais, ça m'a pas frappé. Si. Il faudrait peut-être que je. Que je frappe. Et vive la raquette. Oui, tu comprends. Bon, en tout cas, merci pour cette belle chronique donc sur Iggy Pop. Mais il y a une super ambiance ce soir. C'est froid. Alors, comme quoi, il n'y a pas que les chroniques. Il n'y a pas que les chroniques. On dit ça qu'on pourrit quand même. Non, mais c'est vrai. L'ambiance, c'est chouette, ça fait du bien. Bon, eh ben moi, ce que je qui veut tirer. Eh ben, on va tirer au sort évidemment une session. Onissa, Onissa, Flipkat, oui. Et Stéphane, tiens, bah dis donc, il va tirer au sort. Onissa, la main dans le bas. Voilà. C'est là que le bas blesse. Flipkat, la main dans le baba. Vas-y. Alors, Stéphane, vas-y. Onissa, je tire au sort, donc je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même, c'est ça. Alors, moi, j'ai Depeche Mode. Behind the Wheel, remix by. Oh là là là là. Behind the Wheel. Remix. Behind the Wheel. Pican. C'est du pican. Je vous merde. C'est Behind the Wheel. Behind the Wheel. Il est bien. Ce qui veut dire derrière le volant. Très très bon. Très bon, ouais. Très bien. Et après Indochine, tes yeux noirs. Ah bah voilà. Ça fait quoi tes yeux noirs alors? Ah, ça fait ça. Viens là. Ah oui, j'adore. J'aime bien l'écho. Viens là. C'est ça. Je fais très bien l'écho. Certainement un titre qui va te plaire, Madonna. Ouais. Madonna, oh, Like a Prayer. Moi bon, si, j'aime bien. Tu dis pas mal celui-là. Si, ouais, celui-là, j'aime bien. Par contre, là, on va se marrer. Si je vous dis Ministère. Danse autour de la terre. Ouais. Ah, j'étais fan des Ministères quand j'étais petit. Je faisais chier mon oncle avec ça. Je le mettais en boucle. Mais parce que je l'ai réécouté il y a pas longtemps en plus. J'en parlais justement avec mon oncle. Je lui disais, tu te souviens de ça? Ah ouais. Et ça le met dans un état. Mais alors, c'est l'équivalent de ce qui tourne actuellement, un petit peu. Ouais, les Kids United. Alors, il faut savoir que les Ministars, c'est eux aussi qui ont chanté Les Mondes Engloutis. Oui. On est content de le savoir. Enfant, suis les Mondes Engloutis jusqu'au creux de la terre. Et la chanson aussi des Radio Pirates, ouais, machin. Mais ici, c'est pas Radio Karaoké. Donc, non, d'accord. Ouais, mais n'empêche qu'il nous sert bien de temps en temps. Hein. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Rendons à César ce qui est à César. C'est vrai. C'est vrai. Flip 4. Oui, alors. Il bug. On l'a réveillé, là. Non, mais j'attendais que vous ayez fini, parce que. Alors, il y en a un, c'est Buzzy. Body physical. C'est pour toi, Flip. Ouais. Oui, tout à fait. Demain, hein, on en reparle. Et alors, Luna Parker avec tes âmes d'Amérique. Tes états d'Amérique. Tes âmes sont pour moi, Eric, comme les états d'Amérique. Ah là là, ça va être terrible. Ça va être génial. Toi, tu vas bien te marrer pour le faire, par contre. Ouais. Alors, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une coupure musicale, ouais, évidemment. Et puis derrière, ouais, ça va être les sorties Cinoche. Et puis la prochaine session de notre ami Stéphane. Ça marche. Alors, une petite coupure avec Nick Kamen et I Promised Myself. Ouais, le petit copain de Madonna d'ailleurs, au passage. On va l'entendre après. Ensuite, un titre qui est un peu plus ancien que les années 80, mais que j'aime bien, c'est Bohemian Rhapsody, ouais, de Queen. J'adore. T'es dans 80 alors ici, t'es pas rendez-vous avec. Je vais changer alors. Non, mais tu peux. Bah, c'est très bien. Allez. Sinon, je te mets. C'est 75. Ouais, on va dire que c'est des années 80. Allez. Ouais, bah c'est parce qu'on l'a aussi entendu pas mal dans les années 80. Hein. C'est vrai. C'est une chanson qui a traversé les âges. Hein, bon, et on l'a même réentendu en 93 lors de la sortie du film Wayne's World. Oui. Ah oui. Donc c'est revenu au goût du jour à ce moment-là. Ouais. Mm-hmm. Nostalgie. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire chapiteau. Ouais, chewing. Allez, c'est parti. C'est tout des dames. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. I promise myself.

Merci. Yes, c'est dans, c'est fini. Ouais. Là, c'est le bulldog qui se coule. C'est quand même particulier à 80 heures. C'est ça, ouais. Oh, on démarre en quart de tour. Hein. Ouais, journal du Hard bientôt. Tu veux de l'aspirine? Ouais, alors je vais vous parler de. Ah, c'était Bruno Vandel qui faisait le journal du Hard. Oui, il n'y a pas que lui. Hein. Non, il n'y a pas que. Y en a... Ouais. Oh, mon Dieu. Ah, ouais, comme tu dis. Oh my donc, god. Je vais vous parler des sorties ciné pour demain, donc le 8 mars, pour la Belgique et la France. Ouais, on s'en fout, on va parler de non, la sortie ciné. Non, journée de la fin. Ouais. Et donc, peu importe que je vous parle de la Belgique ou de la France, parce que tous les films dont je vais parler là sortent demain en Belgique et en France. Bon, bah nickel. Voilà, donc je vais commencer avec le film Miss Sloane. C'est avec Jessica Chastain, Mark Strong et Sam Waterstone. C'est un film de John Madden, et donc c'est Elizabeth Stone qui est une femme d'influence brillante et sans scrupules qui opère dans les coulisses de Washington, et face au plus grand défi de sa carrière, elle va redoubler de manigance et de manipulation pour atteindre une victoire qui pourrait s'avérer éclatante. Le problème, c'est qu'elle se retrouve face au lobby des armes, et là, en fait, c'est les coups bas, les pires crasses et tout ça, donc ça, c'est plus un thriller, on va dire thriller un peu politique. D'accord. Ah bah ouais, j'allais dire, on a le même en France, hein, ouais. Pour l'instant. Ouais. De quoi? Bah. J'y suis, tu crois? Politique. Ah oui, d'accord. D'accord. Okay. Il s'appelle comment le film? The Fillion, c'est ça? Non, pas The Donc ça, c'est Miss Sloane. Ensuite, sort demain une comédie qui s'appelle Babyphone. C'est avec Mehdi Sadoun, Anne-Marie Vin et Pascal Demolon. Oh, Anne-Marie Vin, j'aime beaucoup. Ouais. Qui a joué dans Bienvenue chez les Ch'tis, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Ah, elle est excellente. Elle. Oui, elle est belle. Mehdi Sadoun, qui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ah ouais, d'accord. Voilà, tout d'accord. C'est le rebeu, hein, c'est ouais. Ça ouais, c'est ouais. Ça. Et Pascal Demolon, je sais pas. Demolon. C'est le rebeu. Demolon, ouais. Demolon, ouais. Et donc, c'est un film de Olivier Casas. Et donc, c'est Sébastien et Charlotte qui sont les parents débordés d'un bébé. Lorsque les deux potes de Sébastien, donc Arthur et Pascal, se retrouvent chez eux à un dîner, ils se lâchent sur les jeunes parents sans soupçonner que le babyphone était allumé. Oh, donc, non, en gros, ouais, c'est. En gros, dans la bande-annonce, on entend, il y en a un qui dit oh, regarde, il y a une tache de naissance comme sa mère. Il dit. Ben, cependant, on voit pas une tache de naissance, c'est où, dans son cou? Non, c'est pas dans son cou, c'est ailleurs. Et en gros, ben, on comprend qu'il se l'est fait, quoi, la mère. Oh, sauf que le babyphone est allumé, que le mari et la mère entendent tout. Donc, enfin, ça va être un beau bordel, quoi. Ouais. Et je crois qu'il y avait eu un film dans ce style-là, avec un téléphone portable qui était resté allumé, déjà, il y a quelques temps. Ouais, ça s'appelait avec... GSM. Non, c'était avec mais non, c'était avec Marc Lavoine d'ailleurs le film. Ah d'accord. Si je me souviens bien, le film c'était avec Marc Lavoine. Alors ensuite sort demain, c'est une sorte de remake de Léon Morin Prêtre qui était avec Belmondo. Ah ouais, non. Et là ça s'appelle La Confession, c'est avec Romain Duris, Marine Wacht, Anne Leny. Et c'est un film de Nicolas Boukrieff. Donc ça se passe au printemps 45 dans le sud-ouest de la France. Le grand moment de solitude. De quoi qu'est pas ça? Parce que vous connaissez pas le film Léon Morin Prêtre en fait. C'est ça. Si, bah si. Oh bah oui. Bah si, c'était fâché. Il dit ah bah monsieur. Bah oui. Et donc ça se. Ça se passe en 1945 dans le sud-ouest de la France et la population vit au rythme des derniers mois de l'occupation allemande. Barney, 25 ans, donc c'est une femme, communiste et athée, travaille dans un bureau de poste d'une petite ville dont le personnel est exclusivement féminin. Forcément, tous les hommes sont partis à la guerre. Ouais. Tous, non. Ça, voilà, tous sauf un. Ça fait un peu Astérix, tous, sauf un, non. Il reste un irréductible gaulois. Donc qui est prêtre et qui est joué donc par Romain Duris. Donc c'est pas un remake de Léon Morin, ça? Si. Ah ouais, ça me parle. Léon Morin prêtre. Ouais. Et donc, c'est ça, ouais. Des années 60. C'est ça. Voilà. Donc l'arrivée d'un nouveau prêtre dans la paroisse ne va pas laisser ces femmes indifférentes, mis à part Barney. Elle décide un matin de se rendre à son tour à l'église pour affronter l'abbé dans son confessionnal et de le défier. Cette initiative sera la première d'une série de joutes verbales, oui, bien plus nombreuses et bien plus complexes qu'elle ne l'imaginait. Donc elle, lui oui, va par sa verve. Non. Et non pas ça. Tu sais comment il s'appelait le curé d'ailleurs, hein? Le perverti. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Et donc il va. Je vais pas dire la rendre croyante, mais il va la faire douter en tout cas. D'accord. Ok. Passionnant. Alors et enfin je finis avec le film Kong Skull Island. Oh yeah. Donc c'est encore un remake ça. C'est un préquel. Ah d'accord. Ok. Alors c'est un préquel, donc c'est avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, c'est un film de Jordan Vogt Roberts, et donc c'est un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres qui s'aventurent au cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong. Donc Kong qui est King Kong. Hein. Oui. C'est un préquel à King Kong qui raconte comment le gorille est devenu le roi de Skull Island. D'accord, ok. Voilà. Bon. Ouais. Et vous iriez voir quoi ? Et c'est un film à gros budget, hein, forcément. Bah, je me doute, film américain. Les effets spéciaux sont très très très ouais, bien. Ouais, on a vu les bandes annonces, top. Ouais. Philippe 4, irait voir quoi ? Bon, je vais peut-être voir Kong. Ouais. Le roi des. Skyrim. Ouais, enfin, ouais. Un truc, ouais. Kong. Ok. Bon, écoute, peut-être Babyphone pour rigoler. Hein, ouais, d'accord. Bon, je viendrai avec toi, Stéphane. Ah. Ouais. On y va à Domi, ça ? Oui. Oui ? Non, toi pas. Et toi, Sherlock ? Tu m'as oublié Kong, je pense. Bon, j'irai sûrement voir Kong. Du fait qu'elle veut pas aller avec Flip 4, j'irai avec Onissa. Voilà. D'accord. Et bah écoute, c'est parfait. Bah écoute, j'espère que ça t'aura donné envie à nos amis auditeurs et auditrices donc d'aller voir un film. Allez voir évidemment La Concession. La Confession. Qui est le remake de Léon Morin Prêtre. Avec Belmondo, moi je me rappelle dans les années 60. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, bah oui, absolument. Bon, en tout cas, effectivement, on vous aura donné envie de vous plonger dans les salles obscures. Maintenant, on va vous plonger dans la musique avec la dernière la session. Musique. La musique. La musique. On va vous plonger dans la musique. Avec la dernière session. Alors là, on va s'amuser un peu. Ouais. Bonjour, monsieur Vincent. Parce que merci pour votre tirage au sort. Mais on t'en prie. Mais il y a quand même Ministère. Ça fait plaisir aussi. Donc je sais pas ce que ça a donné. Mais Il va plus dormir ce soir. On verra bien, mais. Viens là. J'adore. Viens là, God. Ça va être tout ça. Stand alone, I hear you call. Thank you.

Céphage, tu en soirée, tu le passes régulièrement ce titre-là. Ah, il y a un même Céphage, je suis à fond dedans. Ah, ouais. Céphage. C'est ça, en fait. Ah, c'est une autre saveur. Pour n'importe quoi, ici. Ouh. Alors là, dernière session de Stéphane. Ouais, regarde, regarde, il est. Mais c'est le bordel. Mais... Ouais. Non, mais comme je disais, bon, c'est sûr que maintenant je l'écouterai plus en boucle. Mais à l'époque, alors, je sais plus, ça date de quelle année, ça doit être 84, je crois. Ouais, ouais. Et, mais je l'écoutais en boucle, apparemment. J'avais le 45 tours, je l'écoutais en boucle. Et il rendait dingue toute la famille. Non, mon oncle surtout. Ah ouais. Parce qu'il m'en a parlé des années après encore. Il m'a dit j'en peux plus de cette chanson. Là, on aurait dû lui faire une dédicace. Mais franchement. T'imagines tous ces enfants qui ont maintenant 45-50 balais. Ouais. Qui se sont peut-être fait arnaquer comme les Poppies. Ah oui, ouais, bah ouais. Peut-être, on sait pas. Hein, qu'est-ce qu'ils sont devenus les... C'est quoi, les mini quoi, les mini stars? Les mini-stars, ouais. D'accord, ça me faisait penser un peu aux mini-cums, moi j'ai confondu en fait avec les mini-cums en fait. Ah ouais, c'était quelques années après les mini-cums. Ah ouais, ouais, c'était des marionnettes, ouais. Enfin, il y avait quand même des chanteurs derrière, hein. Enfin, c'était des gamins, hein, qui chantaient dans les mini-cums. Je sais pas, je pense pas, non. Non ? Non, je c'était des imitateurs, hein. Ah ouais ? Je sais plus. Après, ah les morceaux rock qui sont repris dans... Ça me fait penser à un groupe, le groupe préféré quand même de Flipkat, hein, les Forbans, on peut le dire. Ah ouais, bah tiens, on n'allait pas parler encore ce soir, ça y est, c'est fait. Ouais, merci Stéphane. C'était pour te sortir de ta torpeur. Il y a une petite influence vagabond quand même. Hein, ah oui. Ouais, quand même. Autant pour moi. Et un peu côté Richie, je trouve. Bah si vous voulez, c'est je vous en sortir. Il y en a d'autres, hein, en groupe français de l'époque. Il y a qui par exemple? Mais qui était bien meilleur. Excuse-moi, mais dans le style. Bah qui par exemple? Bah il y avait les Alligators déjà. Ah ouais. On a parlé de Chenevier. Ouais, ouais, ouais, Alain Chenevière. Et je crois que Pascal Périse en faisait partie aussi, non? Des Alligators? Ah, ça, je ne pas dire. Je sais pas. Ouais, je voulais que c'était autre chose. Possible, ouais. Je pense que, ouais. Très franchement, l'époque, dans les années 80, c'était franchement autre chose. Parce que c'était en français, donc ça ne s'est pas exporté, ils n'ont pas eu de succès. Mm-hmm. Mais ça a été autrement plus proche de ce que j'aime, quoi. Ah ouais, ouais, Alain moi, Chenevière qui fait partie du groupe Pogo. Hein, oui, tout à fait. Passage, oui. Entre autres. Il y a d'autres groupes comme ça qui étaient. Ouais, je sais qui. Et très bon photographe aussi. Hein Le groupe qui s'appelait Bijoux aussi, qui est excellent aussi. Ouais. Bijoux, ouais. Ok. Non, je ne connais pas. Mm-hmm. Par contre, et pourquoi tu ne nous ferais pas une petite chronique là-dessus, ça, d'ailleurs, justement, ça, sur ces groupes si un vous peu, voulez, mais il n'y a aucun titre. Qui... Forban, Non, non, il n'y a aucun titre qui va ressortir de là. Tout ce que je vais vous passer, ça parle à personne. Oui, il y avait Pascal Périse, effectivement. Il y avait alors, les membres des Alligators, c'était Alain Chenevière, Bertrand Chenevière, Jackie Guérard, Marco Périse, Momo Cantini et Pascal Périse. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça me parlait. Moi, si tu veux, hein, mais c'est insignifiant, quoi, je veux dire. Et bah, non, mais au moins, ça pourrait être sympa, nous parler un peu de ces groupes-là. On sait quand on sait que des gens comme Chenevière, après, se retrouvent dans des groupes comme Pow Wow, qui ont quand même marqué les années 80, enfin, les années 90 plutôt. Ouais, hein, années 90, ouais. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas, mais ça va sortir des sentiers battus. Bah, oh, c'est pas grave. C'est le but. J'attends toujours la chronique d'Aerosmith. Bon, hein. Ah ouais, ce serait bien. Ah, tiens, il faudra que je le note. Ça. Ouais. Steven Tyler. Tu peux faire une chronique sur Liv Tyler aussi. Hein. Oui, oui, oui. Elle a chanté, mais écoute, beaucoup moins. Je crois. Il la ramène que des photos, alors. J'ai remarqué, elle a dû te percuter, mais carrément, mais carrément. Mais tu sais qu'elle a joué dans un des clips d'Aerosmith. Hein. Oui, bien sûr. Ah, bah, dans le clip Crazy. Crazy, ouais. Ou Crying, peut-être. Non, Crying, c'était Alicia Silverstone. Ah, d'accord. D'autant qui a joué moi. Également dans Crazy et dans Amazing. D'accord. D'accord, d'accord. Ouais, non, non, mais carrément. Qui est sorti de l'album Get a Grip. C'est ça. Ouais, tu vois. Ah, ouais, mais tu viens de me donner une bonne idée. Aerosmith, il y a des bons titres. Ouais, ah pourquoi oui, pas. Quand même, ouais, bien sûr, il y en a des très, très bons. Très, très bons. Bon. Bah, tu viens de me donner une idée pour la dernière chanson que je vais mettre alors. Ouais, mais on va quand même féliciter. Ok, ça marche. Bon, ben, bah, prépare ton coup, Sherlock. Bah, écoute, je réécouterai ça tête reposée. À tête reposée. C'est un peu folklorique quand même. Mais faut dire que vos tirages au sort aussi. Oui, oui. Mais c'est ta pote aussi, tu mais écoute, des titres pareils. C'était un plaisir. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il a fallu donner une petite enveloppe pour motiver un petit peu à venir. Pour pas le dire à l'antenne, ça. Non, mais ça a été dit tout à l'heure, donc c'est pas grave, c'est dit, c'est fait. Et puis, bah, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir de l'année prochaine. Donc, ouais, ouais. Ça nous fait plaisir. Ça va tomber quand d'ailleurs. C'est vrai, tu avais raison, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, un mois ça passe vite. Ah, c'est terrible. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Donc, pas trop souvent. C'est pourquoi il te pose la question, parce que lui, peut-être qu'il ne sera pas là la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, Phil Kahn ne sera plus là. Donc, voilà. Non, non, mais on se reverra début avril et puis on aura l'occasion de parler de, certainement d'une rencontre qu'on aura une quinzaine de jours après sur tournée. Ah, ouais. Non, parce que nous, on se rencontre souvent sur des endroits, mais alors. Improbable. Ouais, c'est ça. Du côté des pecs, c'est ça. Ouais, au Binoy, c'est ça. Ouais. Non, non, ouais, mais. Là, retourne, mais. Ou sur l'île. En général, le vice versa, c'est ça. Non, j'en rencontre. Ah, je connais pas. J'en rencontre Flip 4 avec un verre d'eau à la main. Un barguet, ouais, je crois. Il y a des photos là, puis d'ailleurs. Ouais. Quand il c'est y en a pas beaucoup. Bon, allez, les gars, on va se quitter là-dessus. Merci à toi, alors, Stéphane. Alors, on va se quitter comme ça. Non, on va se quitter, on va se quitter en se saluant, en se faisant des bisous. Oui, on va se rouler des pelles. Et on va se rouler des pelles, voilà. Ouais, bah, commencez, les garçons. Bon, bon. Alors, si ça vous dérange pas, je vais commencer en premier. Super Nana, tu fais la démarquante en émission alors, de la nuit. Là. On dit ça, moi, j'ai pas bu de bière, j'ai des chewing-gums, donc. Et bah, commence à les manger. Et alors, pour revenir à une info. Elle m'en veut. Pour revenir à une info que j'avais dit tout à l'heure, c'est par rapport au petit Justin Henry qui avait joué dans Kramer contre Kramer. Oui. J'avais dit que j'en parlerais à l'antenne dans quoi il a joué. Mm-hmm. Alors, il a notamment joué dans L'île fantastique, la série, dans Urgence, dans Cap Danger, qui était une série des années 80 avec une loutre et je sais plus quoi. Peut-être. Tu sais, il y avait Mon ami Ben, il y avait plein de trucs comme ça avec des animaux. Là, c'était avec une loutre. Mm-hmm. Il a également joué en 2010 dans Brothers and Sisters. C'est une série qui est passée. Je connais pas personnellement. Ça, ça ma femme, dans ma le femme Nord, a connu. Non, non, je crois pas. Non, non, un remake rien à voir. Des cours sanguins, non. Non, non, du tout. Voilà, donc il a quand même joué jusqu'en 2007 dans des films et de 83 jusqu'en 2010 au moins dans des séries. D'accord, ok. Mais je vois pas qui. Enfin, je me rappelle plus, mais on va pouvoir revoir Kramer contre Kramer. Je vous invite à regarder le film qui, franchement, est une belle réussite. D'ailleurs, bah, ça s'est vu au nombre d'entrées. Ouais, voilà. Et à partir de demain, vous pourrez vous délecter de ce film en allant sur la page Facebook de 80 à l'heure. Eh ben, écoute, ça marche. Ou sur la page Facebook Sherlock. Eh ben, écoute, ça marche. C'est voilà. Merci qui ? Merci Sherlock. Ah, voilà. Oui, mais je vous en prie. Bon, et merci à Stéphane aussi donc d'être venu. Merci. Voilà, et puis, merci d'avoir mis les mini-stars. Ouais, ça t'a fait plaisir. Ah ouais. Ça. Alors maintenant, pour qu'il soit retiré au sort, il va falloir attendre quelques mois. Ouais, bon, c'est pas grave. Je truquerai. Bon, et on va rendre l'antenne quand même parce que après on a des impératifs à 23h donc c'est ça. On se quitte sur un dernier titre d'Aerosmith. Ah bon, lequel ? Love in an Elevator. Oh oui. L'amour dans un ascenseur. Oh oui, ça c'est super. C'est le bonheur ça. Bon, ah mais tu verras que là tu vas monter au 7e ciel avec celui-là. Bah s'il faut l'ascenseur, c'est moche. Hein. Ouais, bon, ok, ça marche. Au revoir les loulous. Oui, au revoir Nissa. Au revoir Nissa. Une bonne soirée à vous, une bonne semaine. Oui, au revoir Super Nana. Je vous aime. Tu parles à qui, à nous ou aux auditeurs ? Aux éditeurs, bien sûr. Ah, d'accord. Bon. Allez, bonne nuit. Bonne et douce nuit. Oui. Ouais. Oh. On dirait Annick. Un petit côté Annick un peu. Ouais. Encore. Ouais, ouais, sérieux. On ressemble à des gens. Ouais, c'est vrai, on fait ça. Un petit côté. Ah, d'ailleurs, on la salue au passage, hein, Annick. Oui. J'étais unique. Ouais. Enfin, sinon, on va peut-être rendre antenne. Oui. Voilà. Allez. Enfin, bref. Love in an elevator. Ok, ça marche. Allez, portez-vous bien. C'est parti. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Yeah. loving it in La Vita, loving it up when I'm going.